La descente. en face, qui poste pour ta Saint-Joseph là. Rue ça rue, rue, rue, rue, rue, rue, rue. Des remparts. Chauffeur bus cafou qu'on a viré. Oui, ça relé, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Traversière. Mais, disons l'autre nom encore, je te compte Bali. Bagaille longtemps, t'es tout petit. Je compte dans des grandes mapies. Yo, elle est oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Catescalin. C'est le moment où il vient la lumière rouge. Chauffeur quand même quoi, même pas la lumière rouge là. Il fonce. Il fonce. Mais, les automobiles qui sortent en bas, non, rue de Miracle là, bon, Canada, quand on va l'écouter. Mais puisque chauffeur quand même quoi, la lumière rouge, il met la lumière verte, donc il y a un droit de passage. Avec qui moulin fait collision? Avec chauffeur quand même quoi. Go! Chauffeur quand même quoi, des concours, bredel, bredel, détaché sur quand même, saute tomber dans le ciment. L'aime d'où ça, saucisse gaillée, saucisse voltigée, saucisse volée. L'aime d'où ça, hey. Mais gros c'est saucisse yo, mais long est saucisse yo. Saucisse, saucisse, saucisse, saucisse, aïe, aïe, aïe. Mais, des gros femmes, malheureuses avec, qui déchita en bas galerie bata. Quand on connaît, machin de pistache, machin de surette, on connaît chita. Femme n'a fait le pas bon. Mais l'homme on passe au bal 10 centimes, 20 centimes, 25 centimes, il est bien content. Mais pendant que la détache, c'est quand même un saut tombé dans le ciment. Sans sous la voltige à gauche à droite. Mais gros son saucisse. Mais l'homme gros saucisse. Quand elle tombe dans l'estomac, malheureuse là. Malheureuse là. Pour bagaille ça qui tombe dans l'estomac, moi. Hein. Si tout le monde va mourir, mes chauffeurs vont mourir. Fem dodo, pese mchiri, pese mami. Fem dodo chiri. Fem dodo, pese mami, pese mchiri. Fem dodo, fem dodo, fem dodo, fem dodo. Fem dodo, pese mami, pese mchiri. Fem dodo. Deuxième trimestre. Regardez donc. Monsieur jeune garçon, yo. Cap marché remé, yo. Prends précaution, non. Prends précaution, non. C'est assez une petite moune dans la rue. Ou à cause avec yo. Alors, par contre, quelques filles français marron gagnent. Ou tombe pas la timoune, yo, chérie, yo. Pourquoi tu t'es loin, tu caches, tu tombes de la détresse? On va nous faire des bagages, comprends-moi. Tu commences à bien comprendre, non? Il est bien tendu, il dit, c'est quoi qu'à maman? Il prend un petit méon, le méné, ou le calamé. Donc il verra la mer, ou cause la mer, ou est son nom enfin? Ou continue, j'en bagage, comprends la mer, accepte ou? Mais la mer avise ou? Il doit dépouter de la vie de la caille, c'est venu à 7h pour sortir à 8h. Oh! C'est comment c'est venu chita par la ménage, par la ménage. Bonjour m'chita, j'appose à la ménage. Des vins pour grand monde, non? Alors comment arrive encore? Comment arrive encore? Ou depuis les dinoubaï, ça encore? Pour grand monde, notre bon système. Lors chita n'importe, ça va pas la ménage. Il est venu chita n'importe en face pour la contrôler. Donc ou pas qu'un temps pour bon pour faire rien du tout. Mais bonjour, moi j'aime ça pour ta pénalité. Des vins pour grand monde, non. Des vins pour du commerce. Chance pour monsieur. T'as vu une bail blackout. Avec les mouns, bah ouais, mouns. Pendant ce temps-là, j'ai tout profité. Pointi bouche, maintenant bouti comme elle pour la braler, t'y la scaoul. Et puis le pointi, maintenant le sommet qui comme elle a pesé descend, nous reprenons nous déjà pour la dactylographie. Allez, nous ça. Bah la vie, trop bon pour monsieur, allez qu'il est, Roman. Trop bon pour monsieur. Allez qu'il est, monsieur tombe, fait jalousie. Ça lié parce que mon qui vient demander un enseignement dans le pour tu comme elle parle avec lui. Ça seulement, monsieur tombe, fait jalousie. Mais c'est pas sérieux. Qui jalouse ou que vous faites? Qui mêle ou? Qui mêle ou c'est Joseph avec un tel? Avec un tel a dégagé, il passe pas là. Ça va garder ou? On m'a pas vu pour marier. Tout simplement, vin dans la c'est pour tirer, tu parti pas ou pour aller. Maman, ça va garder ou que ne pas pour entrer là-dedans. Et pour nous, nous avons un gars avec un fils, on s'est dit des mots pour dire fia. Qu'est-ce que ça pour pas dire fia? Parce que c'est un petit mot qu'on s'en doit dire fia ou un petit fia. Qui s'en comprend que j'arrive à dire fia? Chérie. Chérie, combien a-t-il de caoutchouc pompe qui a été usé votre jardin? Mais que des questions pas faites pour poser une fille, ça va garder. Sous un camarade là, toute la journée la bambouche, ça va garder. Tout simplement mourir du boulot pour retirer du parti pas pour aller. Comment on a une question pour poser une fille? Oh oui, chérie, combien a-t-il de caoutchouc pompe qui a été usé votre jardin? C'est pas sérieux, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Troisième trimestre. Regardez non. Ouais, Mazon Bell. Gain deux qualités de Mazon Bell. Bon, Mazon Bell blanc. Il y a un petit tacté violette là-dedans. Mazon Bell, ça vient de manger depuis jeudi à bouger demain matin. Ou pas, j'en gagne. Bon, l'autre Mazon Bell qui gon couleur brique. Ça même c'est pour te présenter. Sous fait trois jours à manger, regardez non. On dit qu'ils ont fini. On a fini même avec tête moi. On a fini comme on a vu à son soir. Ah. Et puis on a fait un rapport. Monsieur Pontifi a mené dans balle. En point. Les balles là préfini. Sauf quoi dit comme ça. Au chéri. Ou même pour mener en balle, nous bien danser, nous bien manger, nous bien boire. Coulé ou ap sorti, m'ap sorti tôt. Ou ap courir, m'ap bourri tôt. Ou ap sauté tomber. M'ap tombé sous ou m'ap fait au consa. Ou ap fait m'con sa tôt. Ray sa yo, comprenez. Mais il ressemble que moi, un petit jean, quand on t'a donné au monde, quand il j'en manqué. Fournitu. Même là, tu peux m'attendre, crier, tu peux m'attendre, mais depuis l'audio, on va peut-être mener même balle. C'est la qualité qui soit, posez-moi. Mais je dois arriver à reposer la même question. Sous mon bar, elle me dit, c'est pour dire, on va rien vous cacher, moi. J'ai dit, chérie, bon, vous voulez nous la vérité, ma toute toute bagaille. Mais je ne vais rien pour me cacher. Il ressemble que l'autre jour, pendant ma passe, mes sous roues, moi, mon petit Jean, quand on m'a donné au monde, mon petit Jean, manqué. Cheveux. Et puis là, on m'écrit encore. Oh, ok. Vous reposez même question encore. Et depuis là, je vous ai fait tout bagaille. Je vous raconte tout bagaille. Si je dis, vous ne pouvez pas passer mes sous moi. Où est mon petit Jean? Jean, ouais, non. C'est mon maman qui a fait des bons manger ma zombelle. Femme dodo. Femme dodo. Femme dodo.